Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Julie Villers. Salut Sofiane. Salut Julie, comment vas-tu? Écoute, parfaitement bien en ces temps confinés. Oui, magnifique. Parfait, écoutez. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. J'avais pas grand-chose d'autre à faire, tu sais, et puis ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des adultes autres que mes enfants qui ne sont justement pas des adultes par définition. Mais écoute, je ne sais pas si tu es tombé sur le mec le plus adulte de l'univers, mais bon, je vais faire ce que je peux. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oh, ben moi, j'en ai pléthore parce que ça fait quand même déjà un petit bout de temps que je suis dans le circuit. Et je t'avoue que moi, ça me fait toujours un peu peur, ce genre d'interview. Alors, j'ai été écouter tes précédents podcasts. Et je te remercie parce que je trouve que c'est vraiment un chouette média de faire ce genre d'émission. Et d'autant plus que souvent, tu as beaucoup de jeunes gars ou de jeunes nanas qui disent « Dites, je voudrais rentrer dans le métier, pourriez-vous me dire comment je peux faire pour m'en sortir ?» Bon, déjà, tu as envie de leur dire « quid du concept de non-contradiction, si tu veux y rentrer, pourquoi en sortir ?» Et donc, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de ne pas y entrer. Donc, du coup, je me suis un peu inspirée. J'écoutais un petit peu et on a tous effectivement les galères de présentation et de bide. Donc, je te donnerai deux anecdotes. Déjà, merci beaucoup. Je suis ravi que le concept t'ait plu. Et c'est exactement, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est exactement le but du podcast à la base. C'est vraiment de montrer, déjà de rigoler ensemble des histoires qu'on se raconte dans les loges. Et c'est surtout de montrer aux jeunes qui veulent se lancer, tout ça, que même les personnes qui ont des longues carrières dans l'humour ont galéré et continueront à galérer, quoi. Ah oui, bien sûr, on galère tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quand tu vois une nana comme Florence Foresti, je ne dis pas qu'elle galère, mais elle, pour roder son spectacle, elle veut absolument rejouer au petit point-virgule parce qu'elle s'y sent rassurée, etc. Donc, en termes de bide, justement, en parlant de Florence Foresti, puisqu'on m'avait comparé à elle à l'époque, pour me rassurer, bon, c'est quand même une belle comparaison. J'ai fait le festival, je vais le nommer parce que c'est un super festival. J'ai fait le festival de Dinard. Ah oui. Qui est une grosse bête, une grosse bestiole, des salles superbes, un jury toujours plus fou. Moi, à mon époque, il y avait Bruno Salmon, dont je suis ultra fan pour bien des raisons et pas que humoristiques. Et puis, il y avait à l'époque, je les confonds toujours, c'est pas Charlotte de Turckheim, mais c'est une comédienne du même acabit. D'accord. Et d'autres personnes. Et donc, à l'époque, j'avais deux spectacles, un qui s'appelait « La quête du crâne » et l'autre qui s'appelait « Julie Villers, c'est complètement paumé ». Et comme j'avais déjà gagné un festival avec ce dernier spectacle que je viens de citer, je me dis « bon, je suis invitée au festival de Dinard », alors que le mec qui m'invite au festival m'a vue sur le précédent spectacle. Donc lui, je pense que clairement, il s'attendait à voir un des sketchs que j'avais présenté lors du précédent festival où il m'a repérée. Et je me dis « bon, allez, je vais faire jouer un peu l'autre spectacle qui est un peu plus jeune, un peu plus neuf. » Ah, la mauvaise blague. La mauvaise idée, la grave erreur. Toujours partir en festival, quelque chose de relativement solide, relativement sûr, ou en tout cas relativement éprouvé. Mmh. Et donc, je suis arrivée, et moi, je fais des personnages. Et dans ce deuxième spectacle qui s'appelait donc « La quête du crâne », je jouais le personnage d'un pou. Et donc, j'arrive avec mon costume de pou. Et voilà, en fait. Nous, on en rigole parce qu'on imagine le truc, mais j'avais perdu déjà en moins de 2,5 secondes, rien que visuellement, j'avais perdu au moins la moitié de la salle. Oh là là. Et puis, je pars dans le truc, il y a 2-3 petites blagounettes ou vannes, si on veut les appeler comme ça, mais ce n'est pas du tout un texte à vannes, en fait. Ce n'est pas un texte à punchline. Je ne fais pas ce genre d'humour-là, moi, personnellement. Donc, ce n'est pas un truc hyper rythmé. Et je sens le couloir, quoi. Mais tu sais, je me serais crue dans un espèce de western, genre le bon, la brute et le truand. Où tu vois les espèces de ballots, tu sais, ces boules. Oui, oui, les boules d'herbe séchée, là. Les boules d'herbe séchée, là. Je les sentais me pousser comme ça. J'aurais pu faire un dive et me faire un gros chaim. Je serais tombée à plat. Ça ne m'aurait pas fait plus mal, je pense. Oh là là là. Donc, là là. Ça, c'était le plus gros bide de ma life. Et je te dis, personne ne m'a adressé la parole à la sortie. Ah oui. Parce que les gens sont toujours un peu gênés. Ils ne savent pas quoi te dire, tu sais. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Bruno Salmon, qui était aussi jury dans le précédent festival, m'a dit mais pourquoi mais enfin t'avais un truc à la pourquoi t'as fait ça dans ton autre il y avait des trucs drôles, des personnages marrants, t'avais un truc à la Jack Nicholson, et là, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et le directeur du festival est venu me dire très gentiment, tu sais, je t'avais prévenu, mon festival est vraiment très compliqué, mais tu sais, Florence Foresti n'a jamais gagné aucun festival et elle est passée chez nous et elle s'est tapée aussi un bide phénoménal. Cette phrase-là, elle circule souvent. Ouais. Voilà, exactement. Donc, c'était une chouette façon de me dire, tu t'es bien viandé, mais maintenant, il faut assumer ses choix. Et je crois que c'est ça, en fait. Il faut vraiment apprendre de ses erreurs et grandir. Ça, c'est pour la chouette anecdote, parce que en fait, on se rend vite compte quand on est dans ce métier que le pire, c'est pas le bide. Le pire, c'est de ne plus s'en prendre, parce qu'alors, on n'apprend plus rien. Ouais, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis là. C'est beau, hein. C'est beau. Tu l'as noté ? Elle est enregistrée ? C'est dans le podcast, pas de souci. On me citera dans les amphithéâtres plus tard. et alors, la deuxième anecdote que je voulais raconter, c'était les couacs qu'on rencontre quand on est artiste et qu'on sillonne les routes. Moi, mon spectacle a été demandé par une commune. Et ce spectacle, à l'époque, s'appelle « Je buterai bien ma mère un dimanche ». En toute humilité, qui a vraiment fait un chouette parcours et qui tourne encore aujourd'hui. Je touche du bois. Mm-hmm. Et donc, on me demande ce spectacle, on me demande de jouer dans cette commune. On affiche mon affiche sans le titre. On me demande de faire une affiche sans le titre, dans la commune. Parce qu'on ne sait pas trop comment les gens vont réagir. Bah, là, tu m'étonnes. J'arrive, et si tu veux, je connais un peu mon public, en tout cas sur ce spectacle. Ça peut être familial, mais ce n'est pas un spectacle familial. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la salle et que je vois principalement des familles, là déjà dans ma tête, je me dis « aïe ». Là, ça va faire mal, ouais. Là, ça va faire mal. Et je commence, et je... Allez, dans les quelques premières minutes, je ne suis pas grossière sur scène. Je ne suis pas vulgaire, mais je dis les choses comme elles doivent être dites. Et j'ai un personnage, en tout cas dans ce spectacle-là, qui est un peu catastrophé. Donc, c'est comme si les mots la précédaient dans sa bouche, elle n'a pas le temps de les penser, d'accord ? J'entends au fur et à mesure, c'est une commande de la ville, hein, je tiens à le répéter, hein, ça bouge dans les gradins, que ça se referme, que ça discute. Mais je continue, j'essaye de ne pas me démonter. Le régisseur qui m'avait accueilli avait été génial. Il m'a dit « Ah, j'adore ton humour, c'est hyper trash, c'est hyper drôle, c'est hyper machin, etc. Si les meufs faisaient de l'humour comme ça plus souvent, ce serait moins chiant. » Enfin bon, bref, voilà. Ouais. On prend ce qu'on peut comme compliment à ce moment-là, donc c'est cool. Et je vois moi, je ne fais aucune sortie pendant ce spectacle, je ne change pas de costume, je ne fais pas de sortie de scène. Et je vois dans les coulisses, donc les parties qui sont vraiment sur le bord de la scène, il y a une différence entre les coulisses et les loges pour les gens qui ne connaissent pas forcément le théâtre. Donc les coulisses, c'est vraiment bord scène, les loges, c'est là où on se change en dehors de la scène. Bref. Et donc c'est dans les coulisses, je vois l'animateur de la soirée, parce que c'était quand même... Pour la clôture d'un festival, il y avait eu une première partie, donc il avait présenté les gens de la première partie. Puis il y avait mon spectacle qui dure à l'époque 1h20. Okay ? Et il me fait des grands signes. Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore accouché, donc le langage des signes, je ne connaissais pas trop. Et donc, je me dirige, alors que je te dis, dans mon spectacle, je ne fais aucune sortie, je me dirige vers la coulisse, et il me fait « Chuy, il faut que tu changes, ça ne va pas, les élus sont mécontents, il faut que tu changes de sketch. » Mon spectacle est écrit, c'est pas du stand-up où je peux rebondir sur une anecdote. Et même le stand-up est écrit, donc les mecs, ils ont quand même un fil conducteur dans leur tête. Tu vois ? Donc, je continue, je continue. Mais déjà, j'y vais un peu moins franco, tu vois ? J'ai un petit peu une descente d'organes et à l'époque, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 9 mois, donc j'aurais pu accoucher à n'importe quel moment. Et donc, je continue mes pitreries. Et il y a un moment donné où je fais un cauchemar. Donc, la lumière s'assombrit, il y a du rouge, du vert, une musique qui fait peur, etc. Et je meurs sur scène, mais la lumière se rallume très, très vite. Et là, j'ai le présentateur qui est sur scène avec son micro et qui fait « Mais tout cela se passe dans la tête de Julie, car ce n'est qu'un rêve, un cauchemar », et qui disparaît comme ça dans les coulisses. Qu'est-ce qui lui a pris ? Mais c'est quoi ça ? le mec commentait mon spectacle. Et puis, j'arrive sur le sketch le plus connu de ma carrière, qui est l'avocate un peu en manque, qui loupe complètement sa plaidoirie tellement elle est en manque. On est déjà sur une bonne ambiance. Hein. Je te rappelle que dans la salle, c'est principalement des gens en famille. Puis en plus, tu as quand même des familles avec femmes voilées, 3-4 petits-enfants. J'en vois l'une ou l'autre. Enfin, ce n'est pas pour stigmatiser, mais je veux dire, il y a de toutes les cultures. Et donc, il y a vraiment un panel de gens qui auraient pu être choqués par ce genre de trucs. Mais s'ils savent qu'ils viennent voir « Je buterai bien ma mère un dimanche », normalement, il n'y a pas de problème. Mais là, ils viennent juste voir une nana assise sur un fauteuil qui fait « Oups !» avec une tache de sang sur sa main. J'allais dire, mais l'erreur, elle vient de la ville. Ils auraient dû laisser le titre. Et ils auraient dû même mettre « Interdit au moins de 12 ans ou 16 ans » ou je ne sais pas. Interdit au moins de 14 ans, mon spectacle. 14 ans. Tu vois, bah oui, ils auraient dû essayer au moins de 14 ans, les gens qui viennent en connaissance de cause. Et donc, à ce moment-là, il me reste 20 minutes de spectacle, le noir se fait, et dans le noir, il n'y a pas de relance de lumière, alors que c'est assez cut, généralement, assez direct, les balances. Le gars intervient, et voilà, et c'était donc le spectacle de Julie Villers, qui a animé le stage d'écriture avec nos enfants de la cité. Ah oui, parce que évidemment, c'était une commande pour la fin du festival, et j'avais animé pendant l'été un stage d'écriture. Donc, les mecs s'étaient complètement plantés sur mon gars. Je l'ai laminé, le gars. J'ai dit, c'est honteux, quoi. On ne m'a jamais fait ça. Ah, mais c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Vraiment. Tu n'interromps pas un artiste. Déjà, de base, si tu commandes, parce que tu l'as dit et tu as bien eu raison, c'est une commande de la ville. Donc, déjà, il faut savoir l'univers de la personne. Il faut être prêt. Bah, si tu l'as fait venir, c'est que tu valides son spectacle et que tu penses que ton public va apprécier ce spectacle. Exactement. Donc déjà, bah, tu n'as pas à censurer l'artiste sur scène. En plus, en plein milieu du spectacle, il te dit « ça va pas du tout, les élus sont pas contents, faut chier. » Aujourd'hui, j'en rigole, tu sais, mais je peux te dire qu'à l'époque, ah là là, j'ai failli accoucher sur scène. Ah oui, tu m'étonnes, mais je ne connais pas un seul humoriste qui est capable, en plein milieu de son spectacle, en plus, donc avec quand même, tu vois, genre une commande, surtout une commande, quand on lui dit « on aime ce que tu fais, viens le faire », et en plein milieu, on lui dit non, ça ne va pas. Je ne connais personne qui va dire OK et il va changer. Ben non. Effectivement. C'est complètement idiot. Et à la fin, il ose te couper comme ça, alors que le spectacle n'est pas fini et il le savait très certainement. Il a profité d'un noir sale, d'un noir sec, on va dire, pour couper ton spectacle et dire c'était le spectacle de Julie Villers. Mais enfin, j'y crois pas. Je te jure, j'y crois pas. Ça m'est bel et bien arrivé, mon poulet. Ah, mais vraiment, c'est au-delà du foutage de gueule, quoi. Oui, oui, c'est plus du foutage de gueule. Je crois qu'il n'y a pas de terme, en fait. Là, j'avoue. Mais alors, la question, c'est les personnes qui ont commandé le spectacle, est-ce qu'elles ont eu leur mot à dire après par rapport à ça et te faire des excuses, peut-être, ou engueuler le mec qui a fait tout ça? Bah non, parce que c'est lui, Je ne sais pas, je te dis, j'ai fait un stage pendant l'été, j'ai dit pourquoi moi, pourquoi vous m'avez contacté, ben parce qu'on aime bien ce que vous faites, etc. Donc je suis intervenue au niveau de la commune, au niveau de la mairie, donc incompréhensible. Puis voilà, je pense qu'il y a certains élus qui, dans leur vie privée, vont apprécier un type d'humour, mais qui, en public, vont peut-être dénigrer. Hein, c'est, oui, mais quand tu vois déjà des artistes. Pour ne pas les citer, mais avec l'affaire des gilets jaunes qui se sont mis derrière les gilets jaunes en mode on vous a entendu, on va vous soutenir. Là, on n'a pas besoin de citer personne, hein, on voit bien de qui je parle. Ouais. Et puis qui, derrière, un mois après, ça c'est bon, là, ça suffit, là, les gilets jaunes, c'est bon, à un moment donné, on bosse, on gagne notre vie. Ok, autant pour nous, mais d'accord, pardon de te faire vivre, parce que c'est quand même nous qui te payons aussi ta life, en fait. Tu vois, on peut avoir un milliard de messages. Donc, quand tu vois déjà que nous, dans nos métiers, l'être humain est très versatile et change sa veste au vu et au su des gens, tu peux te dire aisément qu'un élu va le faire entre ce qu'il estime de qualité dans l'intimité et ce qu'il dénigre en public, parce que ça l'arrange au niveau de ses électeurs. Ou pas, mais d'ailleurs. Mais à ce moment-là, est-ce que les élus n'ont pas fait partie du comité de validation du spectacle? Tu ne sais jamais ça, tu sais, ces trucs de commandes, etc. Tu as une enveloppe au niveau d'une certaine mairie, tu as une enveloppe pour un certain type d'activité. C'est très compliqué. Ils te disent oui, faites ce que vous voulez en se disant bien que tu vas faire les bons choix. Et puis après, c'est en ça que je te dis, c'est très facile de retourner sa veste et de ne pas prendre ses responsabilités, de dire nous n'étions pas au courant, nous sommes outrés de ce que cette femme a dit sur scène. Après, peut-être qu'ils ont fait ça par rapport au public, quand ils ont vu le public un peu se braquer. Oui, ils sont braqués, sortir de la salle, ils ont retourné leur veste. Et eux sont sortis aussi, bien sûr. Mais oui, mais c'est leur erreur. De base, il aurait fallu tout annoncer. Attention, humour noir, déconseillé au moins de 14 ans, parce que de toute façon, c'était l'avertissement qu'il y avait de base sur ton spectacle. Laisser le titre. Moi, je sais, perso, que si je vois un spectacle qui s'appelle « Je buterai bien ma mère un dimanche », bah, je vais y aller parce que ça va me faire marrer et je m'attends à tout. C'est pas du tout, tu vois ce que je veux dire, je serais pas choqué. Non, toi non, mais toi t'es humoriste. Oui, mais même je veux dire en tant que public, c'est-à-dire que si je suis une personne lambda, un moldu si tu préfères, je passe devant cette affiche de spectacle et je vois le titre, si je me dis je vais y aller, je m'attends, je serais même déçu s'il y avait pas du trash quoi. Oui, mais écoute. Tu sais, ce spectacle, comme je te disais, je l'ai éprouvé, je l'ai joué des centaines et des centaines de fois. Je ne suis pas certaine que je ne suis pas loin du millier de fois, là, maintenant. À Avignon, on avait monté l'âge des conseillers à 14. Ouais. Il y a une famille qui vient, deux parents, deux enfants et la grand-mère. Ah. Les parents sortent avec les enfants, ils se marrent, merci, on va avoir beaucoup de choses à expliquer aux enfants, etc. La grand-mère suit, elle dit, vous pourriez dire que c'est pas un spectacle pour enfants. Ben, c'est marqué. Voilà. Mais les gens regardent ce qu'ils veulent, les gens ont l'info qu'ils veulent. Et si les gens, tu vois bien les messages qu'on reçoit sur les réseaux, les gens ont envie de se lâcher, ont envie de vider leur sac. C'est plus facile d'incriminer l'autre que de prendre sa propre responsabilité. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est vrai. Ben fais attention, Julie, parce que ça fait quand même deux belles phrases dans ce podcast. Et dans 6 mois, on dira ce soir, je joue dans la salle Julie Villers. Tu vois, ça... Si dans 6 mois, on dit je joue, déjà, on peut être content. J'avoue que ta phrase est facultative, mais sans déconner, vu les deux belles phrases que tu nous as sorties là, c'est clair que tu le mériterais. En tout cas, ben, merci beaucoup. C'est vrai que c'est frustrant. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi. Ben, merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir d'écouter tes anecdotes. Et c'est vrai que c'est vraiment dingue ce qui t'est arrivé. Et ça fait plaisir de voir que tu gardes le sourire. Mais oui, il faut vraiment. Tu sais, là, je suis sur un nouveau spectacle. J'avais la terreur de ma vie de remonter sur scène. En plus, après le premier confinement, c'était au mois d'août que je l'ai éprouvé pour la première fois au Point Virgule, le nouveau spectacle. Uh-huh. Donc, je jouais devant 20 personnes parce que entre la peur d'aller dans les théâtres et le fait que c'était un tout nouveau spectacle qu'on avait mis à la dernière minute, donc pas le temps de faire de la promo, etc. Ouais. J'avais la pétoche de ma vie. Et quand j'ai commencé à dire les premières phrases en me disant « Est-ce que je connais la suite ? Est-ce que je connais la suite ? Est-ce que je connais la suite ?» et que le reste s'est déroulé, je me suis dit « Mais il n'y a quand même pas de lieu plus sécure que la scène, en fait. » Parce que même quand tu te bides le plus violent de ta life, tu ne te sens jamais autant vivant, quoi. Mais le truc, c'est que dès que tu prends un gros bide, tu as une seule envie, c'est de remonter sur scène pour tu vois, remonter en selle, quoi. Tu vois, vraiment, tu veux remonter sur scène et prendre une revanche sur ce bide que tu as pris, et en général, tu cartonnes derrière. Ouais. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, sur Facebook, Twitter, au nom de Julie Villers, et sur Instagram, c'est au nom de Jus Crapule, parce que j'avais créé cet Instagram pour ne pas qu'on me trouve, donc ça marche très bien. On ne me trouve jamais sur Instagram, et donc je suis bien tranquille. Ok, eh bien écoute, pas de souci. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.